Tu fais contourner les nations. Tu poses des limites au peuple. Car toutes les terres ne sont pas à prendre. Même quand la force est multiple. Tu donnes à Ésaü sa montagne, à moi un héritage aussi. Car le monde avance sous ton regard, même quand Israël attend encore son oui. Tu gouvernes plus que nos batailles. Tu gouvernes les frontières. Tu es le Dieu des frontières et de chaque héritage. Tu donnes, tu reprends, tu déplaces selon ton dessein et ton courage. Tu es le Dieu des frontières. Rien n'est laissé au hasard. Même quand nous attendons notre promesse, travaille l'histoire quelque part.